As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7, Alice Cooper, Forbidden, DBC, and more. Puis je fais long, à soir je vais faire saigner les oreilles, c'est sûr. Je pense que je vous ai bien eu. C'était une part limitation de notre compatriote, en fait, homologue de Sherbrooke, Luc Lenné, qui anime une émission métal à CFLX là-bas, qui s'appelle Alerte Métallique. Et pour les autres, j'ai tout simplement manqué ma joke finalement. Bref, Sylvain Latour à la barre de Subversion, édition du 23 octobre 2015. Merci d'être au rendez-vous encore une fois sur Underground Québec. D'ailleurs, je voudrais remercier ceux qui nous écoutent outre-terre et outre-mer, peu importe s'ils comprennent le français ou non, parce que les statistiques de SoundCloud sur le site qui héberge les balado-diffusions, les émissions en différé, du moins, nous révèlent que nous sommes écoutés en Russie, en Autriche, en France, en Italie, en Ukraine et en Indonésie, entre autres. Donc, c'est fantastique. Ce que nous aurons ce soir, nous soulignerons les 30 ans de deux albums marquants des années 80, soit Possessed, Seven Churches et Celtic Frost to Megatherion. On aura aussi un entretien avec Phil Dakin de DBC suite à leur concert qui a eu lieu aux Catacombes le week-end dernier. Et aussi, nous rendrons hommage à Frank Watkins, ex-Obituary, dont nous avons appris malheureusement le décès à la suite d'un cancer. Donc, nous ne manquerons pas de souligner l'accomplissement, du moins, de cet ex-Obituary et aussi Belphégor. Donc, hommage à Frank Watkins plus tard dans l'émission. Et qu'est-ce qu'on a aussi? C'est pas mal le principal. Côté nouveauté, c'est tranquille cette semaine. Donc, sans plus tarder, dans le premier bloc, nous aurons une demande spéciale pour mon ami Johnny Hart. Ce sera une pièce de Metallica. Et avant ça, on aura un vieux succès de Griffin. Mais pour débuter, un des groupes les plus fantastiques de cette période, là, je dirais de la fin des années 80. Forbidden avec Off the Edge. Vous écoutez Subversion, le Metal Show de Amos en Abitibi jusqu'à Jakarta en Indonésie sur Underground Québec. Thank you. night and now to the day. Many deaths have been told. Now the price must be paid. Assemble at once. Tonight we rise. We'll be right back. Metallica avec Trap Under Ice de 1984, paru sur Ride the Lightning. Une demande spéciale pour mon ami Johnny Hart qui lui faisait mention qu'il avait décroché du métal depuis quelques décennies, mais quand même aime bien se rappeler de bons souvenirs de temps à autre, notamment de l'époque où il faisait la conception du magazine Metal K.O. que l'on distribuait d'ailleurs au magasin de disques Rock en Stock à Montréal, pour ceux qui se rappellent. Cette pièce était provenant de Ride the Lightning, oui, était précédée de Griffin avec Hawk the Slayer, paru également en 84 sur Flight of the Griffin. Et au début du bloc, c'était Forbidden avec Off the Edge de l'excellent, que dis-je, de l'incroyable album Forbidden Evil, paru en 1988. Alors, ce qui s'en vient, c'est Possessed qui célébrait avec Seven Churches son 30e anniversaire le 16 octobre dernier, mais aussi Celtic Frost avec Two Megatherion, un album qui est paru le 27 octobre 85. C'est un album que certains observateurs considèrent comme un, non pas seulement un classique, mais un album très audacieux pour son temps. L'intérêt des membres de Celtic Frost pour des formes d'art non conventionnelles et pour la littérature, entre autres, vient ajouter de la valeur artistique, une valeur artistique atypique au genre métal de l'époque, qui se fait sentir notamment dans une approche musicale se situant quelque part entre Venom et Wagner, parce que le groupe réussissait quand même à incorporer des éléments symphoniques à leur musique, malgré le peu de moyens dont ils disposaient. L'enregistrement de Two Megatherion, par contre, se sera avéré un cauchemar pour ses concepteurs, dû principalement à la compagnie de disques qui se voyait mal convaincu de leur donner les outils nécessaires à sa réalisation, qu'ils jugèrent au départ trop ambitieuse pour l'époque, disons. Donc, allons donc écouter un extrait de cet album marquant pour son époque. C'est une pièce que j'aimais bien passer à Metal Militia à l'époque de CIRC, ma préférée définitivement de l'album Dual Throne. Vous écoutez Subversion, The Metal Show. Possessed avec Pentagram, paru sur Seven Churches le 16 octobre 1985. Album incommensurablement influent sur tout le mouvement death metal là, qui a émergé dans les années suivantes. Parlons de Death, de Autopsy, de Obituary, tous ces groupes. Nommez-les, ils vous diront tous que définitivement Possessed a eu une influence, c'est-à-dire une importance cruciale sur leur développement. Décidément. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que le 27 novembre prochain, nous aurons un spécial 1985 World War III en rendant hommage justement, parce que ce sera le 30e anniversaire, le 30 novembre, de ce fameux festival mythique qui a eu lieu ici au Palais des Congrès à Montréal avec notamment Voivod, Celtic Frost, Nasty Savage, Destruction et également Possessed. Donc, nous aurons l'occasion de reparler de ce groupe marquant. Et finalement, il y en a beaucoup de groupes marquants, hein, vous remarquerez bien. C'est à venir dans un mois. Et pendant Celtic Frost, ben, c'était eux qu'on a entendu au début du bloc avec l'excellente pièce Jewel Throne de l'album To Megatherion qui est paru le 27 octobre 1985. Ce qui s'en vient musicalement, on va retourner une quarantaine d'années en arrière avec Black Sabbath, mais avant DBC, et aussi un entretien avec Phil Dakin, le bassiste-chanteur du groupe, qui va nous parler entre autres de la performance qu'ils ont fait au Catacombes le 16 octobre dernier. Performance vraiment à la hauteur de leur nom et qui a ravi vraiment les fans présents à l'événement. Et tout comme en novembre dernier, ils étaient accompagnés de Kill of Rights, qui est aussi l'autre groupe de Eddie Shaney, membre fondateur de DBC, accompagné du batteur Marc Prévost et du guitariste Bill Thompson, qui ont aussi fait office de remplacement pour Graham Ferguson et Jay Quinn, qui complétaient la formation DBC, que l'on avait vu en novembre, mais cette fois avec les membres de Kill of Rights, et qui ont fait vraiment un travail extraordinaire pour combler les besoins de l'événement. Donc, Phil va nous parler de ça, entre autres, et de ce qui s'en vient, ou de ce qui s'en vient pas pour DBC. Bref, dans cet entretien qui suit. Phil, the bassist of DBC. Hi Phil, how are you? I'm doing very well, how are you? Not so bad. A part of my mission right now is to interrupt your election day nighttime viewing. Yeah, I got a busy night ahead of me. First, congrats for the show Saturday, the very rockin' show we had. We spent a very good night there at the Catacombs, so I wanted to thank you for that. It was really good times. How was your night, for what you remember? It was. I delayed my drinking until I got there, so we had done sound check and we weren't partying at all at that point. But yeah, by the time we got there, there was a lot of free beer flowing, so I start to fade out midway through the show because you get thirsty too, so you're drinking more beers. So, but I hear it was fun. So yeah. For that gig, you decided to ask the Kill of Rights guys to fill in for the drums and guitar duty. And by the way, they did. I think they really did a great job, for that matter. I think so too. We've only really been practicing this stuff for a couple months, so it's pretty complicated stuff to pick up. And I think they got it, but we put a lot of time into it. So, but flying the other guys in from Halifax was just it was costing a lot of money, so. We have some guys that are willing to do it here, and so easy. So. But we still like to think we'll be playing with Quinn and Graham again at some point. Okay, that is planned for the future to play with them again. Yeah, it'd be great. I mean, they're fantastic musicians, so it'd be great, By the way, Jeff St. Louis was in the attendance, and I remember seeing him applause, you know, your performance. Did you get to talk to him after the show or get his impressions? Yeah, I guess it's been a long time since I've hung out with him. He's mellowed out a lot, and you can actually talk to him. Normally, he'd be absolutely wasted on a liability standing around in a bar, and you never know what he would do. But it was actually nice hanging around with him. He really appreciated it, and I know that that Mark really did a good job of picking up and paying homage to what Jeff had done, you know, taking what Jeff had done, adding his own kind of stuff, but maintaining the feel of it. So it was nice to see Jeff again. And I'm really glad that he enjoyed it. When a band like DBC, that has some history as well, is coming back to do some shows or some events like festivals, mostly in Europe, most of the time, rumors about a possible new album are coming quickly. Is this something you guys have talked about? Ed would really like to do it. He's bugging me all the time about it. I don't really sit around like I was through my teens and my 20s, where I sit around and music just pours out of me. I have a day job now and stuff. So Ed still does manage to have two kids and two bands and still write stuff. So I don't know if it's necessary to do entire albums now. I used to love that format, but you can just really get a tune or three out. I'd rather concentrate on quality stuff that really kicks my ass rather than coming up with filler for albums. Just spend a lot of time on a couple tunes. Yeah, it seems nowadays some bands are agreeing with that type of proceeding. Yeah, well, it's easier to get the music out there now. Mm-hmm. You can sell them one at a time on YouTube, on iTunes. The first Dead Brain Cells album will be 30 years old in 2017. Do you plan to stay active long enough to celebrate? Do I plan to stay alive long enough to celebrate? Yeah. I know Ed's already been talking about it, so he's talking about an anniversary release, but I'd like to keep playing as long as we can. It depends where I'll be. My job moves me around a lot, so because I'm in Montreal and I've been here over a year now, it's been easy to get a bunch of shows out. I'm actually surprised we haven't done that many, considering. But I never know where I'll be next year, so I could be back in Toronto. I'd still like to do shows, but it just makes it a bit more difficult. Okay. Yeah, because indeed you said somewhere on the internet that come to the show, we won't be doing this forever. Well, that's just my morbid sense of humor. But yeah, it's true. We can't keep doing it forever. So. There's a few shows coming soon, I think, right? Yeah, I'm glad we got a few more going. We got 12 of Yara. Can't remember the date, in November sometime. A Metal Fest, and then we got another one in Quebec City, also sometime in November. So we're looking forward to doing our world tour in Quebec. Oh, yeah, really? Yeah, three gigs in Quebec as our world tour. Okay. But anyway, you can't beat Quebec anyway. I mean, everywhere you go is going to be some metal fans. Of course. Well, Phil, thank you, and hope to see you soon during another show, maybe Trois-Rivières. Well, if you can make it out there, that'd be great, but... always a pleasure to see you at a show, and always a pleasure to do an interview. The first one I've done sober, I think. All right, Phil, thanks again. Bye-bye. All right, thank you. Black Sabbath avec Sabra Cadabra de 1973, paru sur leur cinquième album, Sabbath, Bloody Sabbath. Et à noter la contribution de Rick Wakeman sur cette pièce, le claviériste de Yes au piano et au mini Moog. Pourquoi la présence de Wakeman à ce moment-là? C'est que le band Yes enregistrait dans le studio voisin leur album Tales from Topographic Oceans. Et ça, c'était au Clearwell Castle in the Forest of Dean à Gloucestershire en Angleterre. Et il paraît même que John Bonham, batteur de Led Zeppelin, qui venait faire leur tour comme ça au studio à ce moment-là, s'était offert pour enregistrer la batterie sur cette même pièce, mais finalement, ça s'est pas concrétisé. Donc, j'aurais eu beaucoup à dire sur cette période de Black Sabbath, mais on doit poursuivre parce qu'une heure s'est vite passée en crisse. on a appris, malheureusement, c'est avec regret qu'on a appris le décès de Frank Watkins, de récemment Belphégor et ex-Obituary principalement. À la suite d'une longue bataille contre le cancer. Plusieurs mois avant son décès, Watkins avait accordé une entrevue au magazine anglais Zero Tolerance, où il faisait état de sa bataille avec une forme de cancer affectant le système nerveux central, diagnostiqué en 2012. Après un long traitement durant 2 années, entraînant des conditions difficiles, il semblait alors que Frank avait gagné sa bataille. Puis plus tôt cette année, il a eu l'annonce du retour de son cancer à son grand malheur. Lui qui ne voulait pas céder au départ, étant déjà reconnu pour ne pas lâcher prise, même dans les situations les plus difficiles. À mentionner aussi que Frank, avant même de fonder sa propre compagnie de management, Back From The Dead Productions, avait à cœur l'intérêt du groupe Obituary, surtout lorsque venait le temps de parler aux promoteurs en ce qui a trait aux conditions et aux cachets durant les tournées. Alors, il est devenu avec le temps une référence en la matière pour bon nombre d'autres groupes. Watkins, un ancien sacro-saint, a rejoint Obituary en 1989 comme bassiste, évidemment, où il était paru sur quelques albums clés du groupe, comme Cause of Death, The Incomplete, ainsi que World Demise et Back from the Dead. C'est en 2007 que Watkins avait été invité à rejoindre le band de black metal de Bergen, Gorgoroth, et où il a apparu comme sous le nom de Bodel, qui signifiait Executioner en norvégien, qui fit ironiquement le premier nom du groupe, de son groupe d'origine, Obituary, quand ils se sont formés en 1984, avant de s'appeler Executioner et puis Obituary, ironiquement. Donc, Frank est apparu sur 2 albums de Gorgoroth, dont Instinctus Bestialis, paru le 8 juin dernier, dont on entendra une pièce dans le prochain bloc. Mais avant, une des pièces maîtresses de cet album classique Cause of Death, Body Bag. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec. Dead of the dead, body of the jolly, jolly of the dead. Exotic, living of the wild, body of the dead, scouting, yeah. Where the target is, lies. Through a violent, giant, yeah. To the desert, yeah. It's dying, yeah. Dying on the wide, fighting on the days, shouting in the snow, yeah. Dying, dying on the knees, fighting on the ways, shouting, we'll be right back. Back to God and go on a fight. Hearts avec Dying Eyes and Right, tiré de l'album Instinctus Bestialist, paru cette année, en 2015, avec la contribution du bassiste Bodell, alias Frank Watkins. Et aussi en hommage à Frank, en entrée de bloc, on avait Obituary avec Body Bag, paru en 1991 sur Cause of Death. C'est déjà tout pour moi cette semaine. Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Aurons-nous un spécial Halloween? Sait-on jamais? À surveiller sur la page Facebook de Subversion. Et aussi pour les balado-diffusion, à partager sur la page SoundCloud Subversion Metal Show. Je vous laisse avec une pièce de Alice Cooper, aussi de 1973, pièce que j'avais programmée pour Justin Trudeau avant même qu'il se fasse élire, et oui, c'est vrai. La pièce Elected, une de mes préférées de Alice Cooper. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, Spread the Word pour Subversion, à la semaine prochaine pour plus de musique subvertie. Salut!